ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'année internationale de la femme en 1975. L'année internationale de la femme va donner l'occasion de donner peut-être plus de publicité aux demandes que nous devons faire et que nous devons obtenir. La sénatrice et féministe Thérèse Cassegrain à l'émission Ni plus ni moins en 1975. Je crois qu'il faut, par exemple, l'égalité des salaires. Je trouve absolument injuste de faire travailler une femme et de ne pas lui donner la même somme que l'homme reçoit pour ce genre de travail. Et ensuite, évidemment, de leur ouvrir toutes les portes, toutes les carrières, tous les métiers. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'intelligence. Profiter de l'année internationale de la femme pour faire la promotion d'idées comme l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes ou l'égalité des chances dans l'accès aux différentes professions, c'est l'espoir que nourrissait Thérèse Cassegrain au début de l'année internationale de la femme en 1975. Madame, est-ce que l'année internationale de la femme, ça représente quelque chose pour vous? Sûrement, peut-être moins personnellement, mais je souhaite que pour l'ensemble des femmes, ça va être profitable à quelque chose. Ça ne sera pas du blabla durant un an. Et puis, à la suite, j'espère que ça va se continuer. Et puis, on souhaite qu'en 77, il y aura l'année de l'homme, parce que l'homme a besoin, lui aussi, je pense, de son année. Parce qu'on parle de libération de la femme, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait pas parler de libération de l'homme. Alors, vous me demandez qu'est-ce que je pense de l'A de la F, c'est-à-dire de l'année de la femme. Alors, personnellement, je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, si ça peut éveiller une prise de conscience, de provocation d'un processus de négociation qui peut acheminer, je veux dire, vers une jonction non sectionnée des sexes, je veux dire, je veux bien. Extrait du numéro « L'année de la femme » de Clémence Desrochers. Juste avant, vous entendiez le commentaire d'une femme à qui l'on demandait de parler de ses attentes par rapport à l'année internationale de la femme en 1975. Pour nous raconter l'histoire de cette année internationale de la femme de 1975, mon invité Pascal Navarro, journaliste, auteur, féministe. Pascal Navarro, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qu'on peut dire des attentes qu'avaient les femmes au moment où on décide de décréter que 75 sera l'année internationale de la femme? C'est intéressant. Une oui. femme qui dit « J'espère que ce ne sera pas juste du blabla mm-hmm. ». Le sketch de Clémence mm-hmm. Qui porte un regard assez sceptique sur, en tout cas, cynique sur ce que pourrait devenir cette année-là. Est-ce que c'est pris au sérieux, l'année internationale de la femme en 75? Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui fait de l'humour et qui fait de la variété, il faut trouver l'angle sympathique, l'angle à partir duquel on peut se moquer. Et c'est vrai que la lourdeur gouvernementale et protocolaire et diplomatique peut parfois décourager. Et on a vu d'autres expériences où c'était, ça pouvait laisser songeur ou songeuse. Mais moi, je retiens surtout Thérèse Cassegrain. Et vous savez pourquoi je retiens ce qu'elle dit? Parce qu'elle, elle s'est présentée 17 fois au Parlement pour aller demander le droit de vote. Alors, je veux bien qu'on rigole, et tout ça, c'est vrai, qu'il faut aussi voir les choses un peu légèrement, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, mais elle savait très bien le poids que pouvait avoir oui. Des demandes et une organisation politique internationale. Il ne faut pas minimiser le fait qu'après sont venus beaucoup de moyens et de ressources avec ça. Mmh. Donc, oui, on peut rigoler, mais il y a quand même du sérieux là-dedans et on pourra en rediscuter. Ouais. Qu'est-ce qui fait que l'ONU, en 72, décide que l'année 1975 va être décrétée année internationale de la femme? Qu'est-ce qui conduit l'ONU à cette décision-là? Ben, en fait, en 1945, il y avait déjà la charte de l'ONU qui était le premier instrument international à décréter l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il y avait aussi aux États-Unis, la bataille pour le Equal Rights Amendment qui a duré des années, en fait, qui dure encore ou presque, parce que ça faisait, je veux dire, c'est le début du siècle, du 20e siècle, où les femmes réclamaient que ce soit inscrit dans la Constitution. Mm-hmm. Mais c'est comme ça à travers le monde, c'est toujours très long. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais... Il faut jamais baisser la garde et il faut se relayer. Donc là, l'ONU a décidé d'accorder de l'importance à ça aussi parce que Il y avait aussi une question de s'adresser aux problèmes, enfin de traiter de problèmes de conflits mondiaux. Mm-hmm. On sortait des guerres. Il y avait aussi tout un contexte politique, évidemment, la guerre du Vietnam, mais toutes sortes d'autres choses aussi. L'Algérie, bon, il y avait énormément de... Et peut-être toute la lutte des droits civils. Il y avait une convergence, si vous voulez, des intérêts pour qu'on décide de décréter cette année-là comme celle des femmes, enfin de la femme justement, mais on en reparlera. Mais il y avait donc tout un contexte. Alors là, ils ont décidé de décréter cette année comme le moment où on consacrerait des efforts à réfléchir sur la condition des femmes et l'influence des femmes dans la société. Mm-hmm. Parce que ça s'appelle l'année internationale de la femme, du développement et de la paix. Il y a aussi ça qui est à la fin. Pour l'ONU, c'est un tout, ça. Oui, c'est ça. Les questions, ces questions-là se touchent l'une l'autre. Oui. Il y a, vous le disiez, le contexte aussi. Puis même dans le cadre onusien, il y a un contexte assez particulier. 45, la charte de l'ONU. 72, c'est la création à l'intérieur de l'ONU du Conseil sur le statut de la femme. 72 aussi, c'est probablement pas un hasard, c'est dans l'air du temps. Une première femme devient, Pascale Navarro, vice-secrétaire générale de l'ONU, Elvis Sipilä. Quel rôle elle aura dans la préparation de l'année, puis plus largement dans cette question de la condition féminine? C'est une femme qui est finlandaise. Elle a ouvert son bureau d'avocate en 1943. Donc déjà, elle a ouvert la voie aux femmes, aux juristes et aussi aux femmes en relations internationales. Ouais. Parce que ça, c'est autre chose aussi. Pouvoir représenter un organisme international aux yeux du monde, pour nous, ça paraît banal, mais à l'époque, d'ailleurs même encore aujourd'hui, c'est pas toujours si évident. Et elle a eu cette célèbre phrase, donc c'est elle qui va présider la conférence internationale de Mexico, qui est la 1975, cette première grande conférence sur les femmes. Et elle aura cette phrase dans laquelle elle dit « La moitié de la planète a été découverte au 15e siècle et ça aura pris 500 ans pour qu'on découvre l'autre moitié de l'humanité. » C'est bien tourné. Elle était fille de fermier et c'est ça. Donc elle a présidé des organismes internationaux qui travaillent à la condition des femmes dans les pays en voie de développement. Donc, elle avait une connaissance, parce que c'est ça aussi, c'est de voir à ce qu'on parle de toutes les femmes. Mm-hmm. Donc, elle avait déjà travaillé dans d'autres pays, les pays en voie de développement. Un petit mot sur le contexte canadien, parce qu'évidemment, cette année internationale de la femme arrive en 75. C'est pas un hasard. Il y a ce bouillonnement. Oui. Les femmes s'expriment, le féminisme. Tout à fait. Surtout partout, au Québec. Et au Québec aussi. Puis dans notre cadre québécois-canadien, il y a cette commission qui sera très, très importante, la commission Byrd, qui est créée en 67. Le rapport, c'est en 70 de mémoire qu'il est publié. En quoi cette commission-là est si importante, Pascale Navarro? En fait, la commission royale d'enquête, premièrement, c'est la première. C'est une réponse à une demande d'un très grand nombre de femmes canadiennes qui étaient toutes menées par une militante qui s'appelait Laura Sabia, qui était présidente de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités. Et des milliers de femmes se sont rendues sur la colline parlementaire pour dire, bon, enfin, toujours la même chose, salaire égaux, tous les problèmes de santé, de logement, de travail, tout ce que vous voulez. Et ils ont répondu. En fait, ils n'avaient pas le choix. Le gouvernement Pearson a décidé de mettre ça sur pied. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils ont beaucoup de recommandations, plusieurs recommandations ont été retenues. Mmh. Et c'est assez rare qu'on entend parler d'une grande réussite comme ça a été, quoique il y a eu beaucoup de conflits aussi pendant cette commission, des gens qui sont partis, des femmes qui ont claqué la porte, bon, enfin bref. Et donc, les recommandations, parmi ces recommandations, il y avait, un peu comme à l'image de l'ONU, il y avait ce désir de mettre sur pied des structures auxquels on accorderait des moyens, des ressources humaines, des experts pour documenter. Parce que c'est bien beau de décréter, mais après, de quoi on parle? Il fallait qu'on sache de quoi on parle. Donc, ça a été structurant, je dirais. Et il y a eu donc un conseil consultatif canadien, des conseils à travers le Canada. C'est et le au début, Québec, ça, de ces conseils. Au Québec, la création du Conseil du statut de la femme. Les ministres responsables de la condition féminine. C'est ça, la création des secrétariats à la condition féminine, exactement. Et qui, pendant la fin des années 70 et 80, vont donner énormément de moyens. Énormément. Je m'exclame sur le « énormément » parce qu'aujourd'hui, on a tellement plus rien. Mais à l'époque, il y avait vraiment, on a consacré des ressources politique, économique, sociale à ces problèmes, à ces sujets. On a reproché à cette commission de ne pas se pencher suffisamment et même reconnaître la pauvreté des femmes, la violence contre les femmes. En même temps, sur certains aspects, la commission Byrd est très avant-gardiste. Je pense juste, on en parle tellement encore aujourd'hui, la problématique, par exemple, de la particularité des femmes autochtones, elle est déjà identifiée par la commission Byrd. Absolument. Oui, puis ça fait pas très longtemps que les femmes autochtones ont le droit de vote au Canada, c'est 1960. Donc, il y a déjà là quelque chose de choquant et beaucoup de femmes au Canada sont indignées par le fait qu'il y ait une différenciation, qu'on classifie les femmes selon leurs origines ethniques. Donc, mais c'est certain que ce problème de la rivalité entre les causes, si vous voulez, sera toujours là. Dans toutes les grandes réunions et dans toutes les grandes conférences, il y aura toujours ce problème. Revenons sur, plus spécifiquement sur l'année internationale de la femme de 1975 décrétée par l'ONU. Comment ça va se dérouler cette année? Qu'est-ce que ça va donner cette année 1975? Ça donnera en tout cas déjà cette chanson. La moitié du monde est une femme qui jusqu'ici avait caché son âme. Un jour, il y a une amie d'un de mes amis qui est consultante à l'ONU et qui m'a appelée de New York vendredi soir pour que je lui fasse une chanson qui aille avec le thème de l'année de la femme. Mm-hmm. Et elle voulait l'avoir 24 heures après. Paroles et musique, anglais, français. Alors, paroles et musique, ça va. Anglais, français, bien là, je demandais à ma bonne amie Angèle Arsenault qui pond des chansons comme une véritable usine, n'est-ce pas, autant en anglais qu'en français. Alors, elle a fait le texte anglais après que j'ai fait celui en français. Alors, en 24 heures, c'était fini, posté. Je n'ai pas changé une phrase, je n'ai pas changé une note. J'étais inspirée. La moitié du monde est une femme. La moitié du monde est une femme. Jacqueline Lemay qui raconte la petite histoire derrière ce qui deviendra la chanson thème de l'International de la femme, la chanson qu'on entendait, « La moitié du monde est une femme ». J'étais inspiré, dit Jacqueline Lemay, Pascal Navarro. C'est vrai que, faut le rappeler, elle était attendue cette année-là. Il y avait du scepticisme de la part de certaines femmes, mais beaucoup de femmes l'attendaient. On voulait du changement parce que les années 70, c'est les grandes années du féminisme. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça bouillonne tant à ce moment-là? Mais politiquement, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait un contexte où on se libérait, où on se décolonisait. Il y avait des guerres d'indépendance, si vous voulez, et qui faisaient en sorte qu'on remettait en question toute cette espèce d'idée de coloniser l'autre. Et donc, je pense que ça a été déterminant. Mais il y avait aussi toute une... bien sûr, le deuxième sexe a été publié bien avant, mais vous aviez déjà La mystique féminine, publiée par Betty Friedan en 62. Et là a commencé tout ce... Et d'autres, évidemment. Là. Puis au Québec, les Louki Bercianic, Denise Boucher, Nicole Brossard, Madeleine Gagnon, France Théoret. Vous aviez ce théâtre féministe, des maisons d'édition féministes au Québec, Remue Ménage, La Pleine Lune, qui sont un ferment, si on veut, vraiment un foyer culturel d'où émanent des paroles de femmes. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a mobilisé. C'est qu'on avait l'impression, parce que vous savez, c'est toujours le risque quand on se lance dans des programmes comme ça, dans des chantiers gouvernementaux, de se mouler au modèle dit patriarcal. Oui. Et c'est ce que reprochaient beaucoup de féministes dites plus radicales, et même celles dont je viens de vous parler, qui voulaient parler en leur propre voix. Oui. Puis ce qui est fatigant avec ces programmes et ces chantiers, c'est que là, on a l'impression de devoir parler pour toutes les femmes. Et c'est justement ça, la bataille des femmes, c'est de pouvoir parler en son propre nom. Donc, comment se singulariser tout en travaillant en groupe? C'est le conflit qui dure toujours, finalement. Ouais. Il y a, en revanche, c'est intéressant que vous parliez de ce défi-là, parce que cette année 75, en France, sera à la fois une très grande année pour les droits des femmes, mais sera une année qui sera grande par l'action, justement, du moule, ou en tout cas du pouvoir mais public, oui. Des gouvernements. Mais on n'a pas le choix. Alors, c'est toujours le grand déchirement, sauf que... les Français ont légiféré sur l'avortement. C'est quand même... La loi Veil, oui, c'est Veil, ça, exactement. Et c'est quelque chose qui, pour nous, on n'est pas là. On a décriminalisé, on a des arrêts juridiques qui font qu'on on peut le faire, mais bon, puis du point de vue juridique, c'est la même chose, mais on n'a jamais dit, on n'a jamais écrit quelque part dans un code de loi, les femmes ont le droit de disposer de leur corps et d'interrompre une grossesse si elles le veulent, puis je suis certaine que si on remet ça sur la table, on n'a pas fini encore avec les conflits. Mais en 75, ça se fera donc en France, comme c'est vraiment une grande année, il y aura une loi autorisant les divorces par consentement, il y aura l'obligation de la mixité dans les écoles, et puis 75, pour revenir à l'année internationale de la femme, précisément l'année onusienne, vous en parlez un petit peu, Pascal Navarro, un peu plus tôt. Cette conférence très importante, la conférence de Mexico, pourquoi elle est si importante? Mais parce que c'est le point de départ d'objectifs qui vont durer pendant des années. On veut que les femmes, on décrète que les femmes doivent avoir accès à l'éducation supérieure, à la participation politique, aux soins de santé, au logement, à la contraception, aux emplois, aux carrières, mais à travers le monde, pas seulement en Amérique. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a la mise en place de rendez-vous internationaux. Donc, vous allez avoir plus tard Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 et Beijing en 1995, qui est très importante parce qu'à ce moment-là, 189 pays ont signé la déclaration de Beijing. Ils se sont engagés à suivre une feuille de route pour la réalisation des objectifs. Donc, on rebrasse la même chose, on fait des bilans et on voit où il faut travailler. Il y a un processus formel, un peu comme je pense au changement climatique, les grandes conférences, mais c'est ça qui est établi à Mexico. En 75, une première conférence suivie d'autres où on fait le bilan et on essaie de se fixer de nouveaux objectifs de conférence en conférence. Exactement. Aussi, en 1989, on a signé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc, ça a été adopté par une centaine de pays. Donc, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les traitements inégalitaires, point de vue de la discrimination, point de vue de la violence et de la pauvreté, mais la pauvreté est une forme de violence. Ouais. Et ça va mener aussi ce relais, si vous voulez, à la création en 2010, on est loin là, par les Nations Unies d'un organisme qui s'appelle ONU Femmes et qui tiennent chaque année maintenant des commissions de la condition féminine. En 2017, là, dans un mois, vous allez en avoir une sur le thème de l'autonomie économique des femmes. Donc, oui, ça peut paraître très gros, très bureaucratique, mais il demeure que si les femmes s'impliquent, ça va bouger. Il faut, c'est-à-dire, c'est bien d'avoir un regard critique, mais il faut quand même s'investir. Oui. On est déjà avec vous dans le bilan de ce que donnera cette année internationale de la femme en 1975. Je vous propose, pour poursuivre la réflexion, d'écouter un extrait d'entrevue, Simone Monet-Chartrand, qui répond aux questions d'Andréane Lafont à l'émission À l'antenne, en 1975. Mais cette année internationale de la femme, est-ce que ça va vraiment servir la Québécoise? En autant qu'elle veut changer quelque chose. Est-ce qu'elle veut changer quelque chose? Oh, bien, il y en a qui veulent, il y en a qui sont indifférentes, il y en a qui leur mari dit, ben laisse-nous faire, je te fais vivre, ça va bien, mêle-toi de rien. Mais ça, il ne faut jamais attendre après les hommes pour faire quelque chose de valable. Jamais. Pourquoi on attendra après les hommes? C'est faux. On dit qu'on est égal. Pourquoi faut attendre après eux? Il y a une caricature bien drôle que j'ai vue l'autre jour. C'était la femme disait, ou l'homme disait, comment tu peux être égale si tu es ma moitié? Mais en réalité, moi, je ne me vois pas comme une moitié. Je me vois comme une égale. Ah, pour profiter de cette... C'est intéressant parce qu'au fond, ce que nous dit Simone Monet-Chartrand, c'est qu'il faut que les femmes s'investissent. Pour profiter de cette année internationale de la femme, il faut que les femmes y adhèrent et s'investissent. Qui en profitera de cette année concrètement? Ben, en fait, c'est vrai ce qu'elle dit. Puis pour utiliser une métaphore très patriarcale, je dirais qu'il faut prendre la rondelle quand elle arrive. Ouais. C'est-à-dire que dans le fond, c'était le début d'une mise en place d'un chantier et aussi, comme je disais au début, d'accorder des fonds et des ressources à documenter des situations. Et qu'est-ce que ça amène? Ben, ça amène que des femmes... Mais pourquoi? Bon, des femmes qui subissent de la violence conjugale. Alors là, si je vous dis tout ce qui s'est passé après, c'est en 1975, déjà vous avez une chronique féministe dans Le Devoir, vous avez la mise sur pied des maisons d'hébergement, des centres d'aide aux victimes de viol. Donc on reconnaît que ça existe et on va même changer le code criminel et le code civil après pour la famille. Regroupement des luttes en matière d'avortement. La première femme juge à la Cour d'appel ontarienne et après qui va aller à la Cour suprême. Le Centre de santé des femmes, au bas de l'échelle, qui s'occupe des femmes qui, elles, n'ont rien, mais pas du tout. Il y a vraiment un coup d'envoi. Mais bien sûr, quand on parle de ça, alors on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau ou que c'est juste pour l'image. C'est parce qu'on ne va pas chercher tout ce qu'on peut en retirer. Ouais. Mais Il y a eu des femmes qui se sont battues et qui ont monté, structuré des lieux pour accueillir justement bon, le centre de santé des femmes, les syndicats, enfin Morgan Taylor, qui on l'a supporté, on l'a soutenu. Donc tout ça, c'est parce que le gouvernement avait le désir politique de faire de l'égalité quelque chose de réel. Avec ce débat, vous l'avez un petit peu effleuré, mais qui fait que les féministes vont se diviser là-dessus. C'est le féminisme d'État dont on parle. Oui, alors c'est ça. C'est Lise Moisan qui écrit dans La Vie en rose en 84, je crois, que tout ça, c'est bien beau, mais s'il faut se mouler sur le modèle patriarcal, comme je disais, et finalement laisser tomber tout ce qu'il y a autour. Bon, je comprends cette critique, mais en même temps, aujourd'hui, là, que les ressources sont beaucoup moins présentes et qu'on n'arrête pas de couper dans les politiques sociales et les politiques publiques au Québec, en tout cas, et ailleurs aussi, mais on parle du Québec, ben je trouve qu'on aurait peut-être dû se préoccuper de l'entonnoir un peu plus. Mm-hmm. Et investir et demander que ça continue. Parce que c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus populaire. À l'époque, en 75, il y avait une adéquation entre la libération des femmes et la libération sexuelle. Et il y avait une espèce de pression à la liberté et bon, une richesse aussi, parce qu'on était dans une période un peu dorée. Ouais. Donc, on avait l'impression que tout était merveilleux, que ça allait rester comme ça. Non, il faut continuer, puis il faut consolider. Mais malheureusement, en ne consolidant pas, parce que c'est ce qu'on a fait, on a même au contraire évacué, ben les choses se sont détériorées, notamment pour les femmes. Il en reste quoi de... Qu'est-ce qu'on retient, je dirais, presque dans notre imaginaire collectif, puis de l'année internationale, la femme de 75, Pascal Navarro, puis au fond, la question par extension, c'est la bonne, vieille, grande question. Les plus jeunes, par exemple, où ils en sont par rapport à cette idée du féminisme. C'est un peu ça, au fond. Quand on se dit qu'est-ce qui reste de 75, c'est un petit peu ça. Bien, pour nous, il reste des images un petit peu d'Épinal, je trouve, des clichés, parce que, tu sais, on a vu, parce que c'est aussi une période très faste pour les médias qui rejouent beaucoup cette image de la femme, de la jolie jeune femme en train de brûler son soutien-gorge, ce qui n'est jamais arrivé, d'ailleurs. Mais on véhicule des clichés. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, premièrement, les jeunes femmes d'aujourd'hui n'ont pas connu 75. Et deuxièmement, comme il y a eu une vague dans ces années-là, il y en a une autre en ce moment. Et celle d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus radicale. Moi, je crois que... Parce qu'il y a à peine 6-7 ans, on ne voyait pas l'ampleur que ça pouvait prendre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elles ne voudront pas reculer parce qu'elles ont été élevées par des femmes qui ont cru en l'égalité. Et peut-être qu'aujourd'hui, elles vont être plus... véhémente et plus impitoyable pour le recul. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est ce qui reste. Il reste des structures politiques aussi auxquelles il faut croire. On parle toujours du Conseil du statut de la femme qui a perdu des bureaux en région ces dernières années, qui a perdu des moyens. Mais au lieu de souhaiter sa disparition parce que ça coûte trop cher, pensons à quoi il sert et investissons-le. Pascal Navarro, c'était fascinant. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Pascal Navarro, journaliste, auteur de nombreux livres sur la question des femmes, militante féministe engagée. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.